Le conducteur de la camionnette a l'intention de s'insérer dans la circulation. Il n'est pas prioritaire. Je ne sais pas s'il m'a vu. Une moto arrive en face et la ligne continue m'interdit de me déporter sur la gauche. Je peux klaxonner pour attirer l'attention de ce conducteur et mettre le pied devant le frein, ce qui veut dire lâcher l'accélérateur, ralentir et être prêt à enfoncer la pédale de frein au cas où il démarrerait. Réponse B et D.